Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. 45e épisode, beaucoup d'émissions pour d'émissions au lieu de émotions. Un beau lapsus pour cette donc dernière émission de la mécanique des ondes. 45 personnalités qui sont venues à ce micro. Alors on va essayer de pas pleurer à la première minute parce qu'il faut en tenir 42. Et que aujourd'hui je reçois une très très belle personnalité pour clore cette série sur Fréquence Protestante. On va terminer donc cette belle revue avec une productrice, également écrivain. Bonjour Pauline Maucor. Bonjour, merci pour l'accueil. Vous avez pas du tout de pression hein, pour la dernière émission. Première question de cette interview toujours traditionnelle. Vous êtes au micro d'une radio associative. Je voulais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Eh ben pas vraiment, parce qu'en fait j'ai dit quelques premiers mots au micro d'une radio associative. C'était à Toulouse. Alors je sais plus quelle radio c'était, mais c'était dans le cadre de militantisme dans un groupe militant. Et en fait, ça m'avait complètement intimidée, donc j'avais pratiquement pas parlé. Et je pense que ouais, le micro, ça m'intimide beaucoup. Donc c'est pour ça que moi, j'ai plutôt choisi d'aller sur le terrain et d'être moins en studio pour plus donner la parole et moins parler dans le micro. On va revenir un petit peu avant, Pauline Maucor. Je sais que vous avez donc fait une école de journalisme à Grenoble. Le journalisme, et peut-être a fortiori la radio, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire? Pas toujours, mais assez tôt. Peut-être pas le journalisme, peut-être pas la radio, mais l'idée de travailler autour de la parole des gens, de ce qu'ils avaient à dire, et qu'on n'entend pas forcément beaucoup, parce que ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui n'ont pas forcément accès aux médias ou qu'on n'entend pas souvent. Donc oui, c'était les histoires des gens, c'était leurs paroles et la démarche documentaire. Et du coup, j'ai trouvé que la radio, c'est quand même le média idéal pour entendre, pour écouter. Très tôt, ça veut dire quel âge ? C'était entremêlé au lycée. J'étais pas encore sûre de moi, mais c'est venu au moment du bac quand il a vraiment fallu se déterminer. Donc pour faire les études classiques hein, qui mènent vers le journalisme, je m'étais dit que j'allais faire Sciences Po, une école de journalisme. Et donc pour faire Sciences Po, j'ai préparé avec une hypocagne. Et en fait, quand j'ai vu l'été précédent l'hypocagne qu'il fallait acheter toute une caisse de livres, c'est ça en fait qui m'a donné envie d'aller par là, parce que jusque-là, j'empruntais les livres à la Biblie. Et moi, j'avais envie de... Enfin, cette caisse de livres-là, ça m'a attirée, quoi. Donc, je me suis dit, OK, donc c'est par là que je vais. Alors, justement, vraiment, je fais une digression. Hypocagne, ça a été formateur. Enfin, c'est une dose de travail, cette prépa Hypocagne, qui est incommensurable. Oui, mais en fait, je crois que la classe dans laquelle je suis tombée, on était une majorité à pas vouloir trop travailler. Donc, on a fait blocus face aux profs, et on avait une espèce de solidarité entre nous qui nous faisait négocier les dates de rendu, de devoirs. Voilà, on n'était pas les plus sérieux des hypocagneux. Alors, hypocagne, vous aviez donc déjà en tête de faire une école de journalisme? Ouais. Et donc, quand vous arrivez dans cette école de journalisme, qu'est-ce que vous découvrez? La déception. Ah, c'est-à-dire ? Ouais, j'étais un peu déçue parce qu'on nous a... Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'on m'apprenne à plus questionner le réel, réfléchir à comment on fabriquait l'information. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'on m'a appris à faire, quoi. On m'a appris plutôt à produire des formats courts pour que ça rentre dans des cases et à pas trop se poser de questions. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs, dans les écoles de journalisme. Je pense que ça dépend des écoles. Hein. Moi, j'ai fait celle de Grenoble quand elle commençait à être connue par la convention collective des journalistes. Mais... Bon voilà, moi j'étais un petit peu déçue. Après, voilà, peut-être que ça, c'était pas une période de ma vie où j'étais réceptive non plus à cet enseignement. Mais c'est vrai qu'à Sciences Po à Toulouse, on nous avait plutôt appris à questionner. Notamment, on avait lu, j'avais eu Patrick Champagne, un disciple de Bourdieu, qui travaillait beaucoup autour du questionnement des médias et du discours de la fabrication du discours médiatique. Et ça, moi, ça m'avait inspiré, quoi. Et non, à l'école de journalisme, il n'était pas question de réfléchir à alors, ça. Au bout de la première année, il y a un média qui vous attire plus ? Ouais, la radio. Et donc, quels sont vos stages de fin de première année ? Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus si c'était en première ou en deuxième année, parce que c'était en deux ans. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que, bah, justement, moi, j'ai voulu faire des stages à RFI avec Édouard Zambo, qui à l'époque avait une émission qui s'appelait Territoire de jeunesse, et à France Culture. Et en fait, une des profs de l'école m'a dit que, non, non, ça, c'était pas du journalisme, en fait. France Culture, RFI. Elle travaillait à France Bleu Isère, elle était rédactrice chef de France Bleu Isère à l'époque. Et il y avait que le news qui comptait pour elle. Ouais, donc forcément. Mais vous n'allez pas chercher plus loin, vous n'allez pas chercher quand même le stage à Ah bah si, du coup si. J'y vais. Mais j'ai failli pas valider mon année à cause de ça, quoi. Parce que bah oui, je rentrais pas trop. Mais c'était une souffrance à l'époque. Hein. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis pas à ma place. Ouais. Donc si, voilà. Enfin, mais du coup, j'étais pas très bien dans cette école. Ouais. Donc je suis très tôt allée voir du côté de France Culture et de RFI. J'ai pas trop écouté mes profs, cette prof notamment. Ouais. Pendant ces stages, qu'est-ce que vous apprenez, du coup, là, sur le terrain, mais dans les radios ? Alors, donc, à RFI, avec Édouard Zambo, j'arrive, je suis là pour une semaine ou deux, je me souviens plus. Il me dit, bon, écoute, je te rémunère pas, parce que c'était l'époque où les stages n'étaient pas encore rémunérés. Fais quelque chose qui te plaise à toi, quoi. Qu'au moins, ce stage te serve à quelque chose. Donc, vas-y, fais un sujet. Et du coup, moi, à l'époque, il y avait eu un rappeur qui était accusé par un député, François Grotidier, je crois, je suis pas sûre, par un député d'inciter à la haine et à la violence dans ses textes. Et c'est quelque chose, moi, qui m'intéressait à questionner. Et voilà, donc j'ai choisi ce... Et en plus de ça, il y avait eu... C'était quand ? Je me souviens plus. Mais je pense qu'il y avait déjà eu... Oui, il y avait déjà eu les violences urbaines, les émeutes à Clichy-sous-Bois. Et donc à l'époque, voilà, j'avais envie de questionner ça. D'où venait la violence, quoi ? Comment elle était provoquée ? Est-ce que... Et voilà, j'avais fait ce premier sujet autour de... la violence dans le rap, est-ce que le rap était un exutoire ou est-ce que c'était un incitateur de violence ? Et c'est comme ça que je suis allée interviewer Kazé, donc une rappeuse que j'aime beaucoup. Et en fait, j'étais très heureuse de ce stage et de ce travail parce que après mon premier sujet, j'ai eu le sentiment que ça y est, ma carrière pouvait s'arrêter là parce que j'avais interviewé la rappeuse que j'adorais le plus au monde. Donc voilà. Alors vous me faites un énorme pont avec votre première pause musicale. Pauline Mocor a quand même l'oreille et le sens de la radio. Vous avez choisi un morceau de Kazé. Alors on va le passer en premier. C'est lequel que vous avez choisi ? C'est Au stylo, il me semble. Je suis pas sûre. Je me souviens plus. Tragédie d'une trajectoire. Pourquoi ? Parce que j'aime bien ce que ça raconte. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je l'ai pas connue, je suis noir, né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore, rien me blesse. Et pourtant, j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse. Pourquoi suis-je si radical ? Me méfie des mains tendues trop amicales. N'ai aucune tendresse pour mes tours verticales. Ni la bonne humeur de mon île tropicale. Tout ce que j'énumère n'a aucun humour. Et noir et amer, froid et sans amour. Fade et sans saveur, et a dans son sommaire un lexique. façon machinale. Ne vois que du complot dans les lignes du journal. N'arrive à dormir que dans un bruit infernal. Puisque j'ai les nerfs, l'impression qu'on m'ignore. Et que de toute manière, on en veut à ma crinière. C'est sans aucune lumière que je sors de ma tanière. Avec un poignard imprimé sur la bannière. Pourquoi suis-je si peu sociable, aussi sensible, pénible, irresponsable, et me sens seul quand mes semblables me prennent pour cible? Pourquoi être stable dans ma tête est impossible? Parce que j'ai vu venir de loin mon calvaire, braquer mon avenir avec un revolver. Je préfère vous prévenir, j'ai de la colère dans le regard quand je marche sur vos boulevards. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse, je l'ai pas connue, je suis noir. Né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y'a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse. Cette belle insouciance de l'enfance, moi elle me ramène à ma province, à Rouen, jolie petite ville de France, où quand le nègre passe y'a des dents qui grincent. Je vous en prie s'il vous plaît, tuez-les tous. Matresse Sainte Marie pleine de grâce, j'ai sorti les ciseaux de ma trousse avec la frousse et l'intention de leur faire mal à la sortie de classe. Je rumine, je ressasse, sans cesse je repense au son de dans ma face qui a tué ma petite enfance. Et ces baves de la dame de service, j'ai fait payer son fils, à la finale c'est moi qui le punisse. Et dans ma jeunesse, je leur ai filé la jaunisse. Au collège ils me connaissent, se plaignent et ils gémissent. La proviseure est une connasse qui me vire et me menace d'appeler la police pour ma sale tignasse. Et les profs me provoquent, chaque jour me convoquent et me disent qu'on me scolarise pour les allocs. Donc je réplique, moi l'enfant de la République, on me rétorque que tout ce que je mérite c'est des claques. Donc j'attaque, affrontement physique et mise à sac. Ma tête est comme saturée et à bloc. Tout ça n'a pas de sens, mais tout ça laisse des traces. Et je ne dis rien à ma mère le soir quand elle m'embrasse. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je l'ai pas connue, je suis noir et né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passe mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y'a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse. Avec la vieillesse. Vous voulez dire, il suffit de peu de choses pour construire un enragé. Il suffit de peu de choses pour construire un engagé. Quelques humiliations ou quelques injures suffisent. Il y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse. Tragédie d'une trajectoire. Il y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse. Cazet avec Tragédie d'une trajectoire, c'est le premier choix de Pauline Maucor, qui est donc l'invitée de cette 45e et dernière Mécanique des ondes. Pauline Maucor, je vous ai laissé à RFI en stage lors de votre école de journalisme à Grenoble. Vous êtes aussi passée à France Culture. Ouais, j'ai rencontré une productrice, Marie-Hélène Freissé, qui vient de prendre sa retraite là. À l'époque, elle produisait Tout un monde, je crois. Enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, je sais plus. Et c'était une émission qui s'intéressait avec beaucoup de reportages à l'époque aux cultures à travers les époques et à travers les continents, enfin sur tous les continents. Et donc du coup. Comme elle voit que j'ai vécu un an en Amérique latine, donc 4 mois en Colombie, 6 mois au Mexique, et qu'elle prépare un sujet sur, je crois, les cultures du Chiapas, les cultures indigènes, et notamment le mouvement zapatiste, et que moi j'ai passé quelques semaines au Chiapas auparavant dans le cadre de mes études, elle me demande en fait de l'aider à préparer les dossiers, enfin les oui voilà de les à faire des recherches, trouver des invités et voilà, c'est comme ça que j'accroche la première expérience à France Culture. Donc là, vous faites des recherches sur un sujet que vous connaissez et vous découvrez du coup un métier, puisque vous êtes entre la production, la rédaction aussi, quand même un peu d'une émission. Vous découvrez aussi le monde de France Culture, qui est quand même une radio à part. Vous disiez que vous découvrez les formats courts en école de journalisme, mais là, vous faites, j'ai envie de dire que vous vous éclatez, c'est un format long. Bah oui, je me sens mieux, oui. Ouais, je me sens beaucoup mieux. Et on a le temps, on prend le temps. Voilà, ouais. Même en tant qu'auditrice, j'écoute, je suis tout le temps branchée sur France Culture, ouais. Ouais, vous écoutez rarement les chaînes d'infos, enfin. Si, j'écoute quand même les chaînes d'infos pour les infos, ouais. Parce que je m'informe. J'écoute aussi des web radios, notamment Arte Radio. Enfin, ouais, j'écoute vraiment beaucoup de choses. Mais disons que France Culture, c'est comme c'est en permanence là, quoi. Enfin, c'est toujours comme l'air qu'on respire, quoi. Et après, voilà, je fais d'autres choix, je vais chercher autre chose aussi. Hein, ouais. Ouais. Alors après ces deux stages, l'un à RFI, l'autre à France Culture. Alors vous l'avez terminé cette école de journalisme. Ouais. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, je suis montée direct à Paris, quoi, pour bosser à France Culture et RFI. Ouais. Les deux en même temps, c'est-à-dire que vous êtes dans les deux, vous devenez pigiste. Ouais, c'est ça. Et sur ces deux émissions-là ou autre chose? Alors ça prend un an à peu près, un an où je vais faire des petits boulots, tout ça pour commencer. Et puis de temps en temps, je vais piger en effet pour cette émission-là, Tout un monde sur France Culture. Et puis au bout d'un an pour Microscopie avec Édouard Zambeau. Ouais, c'est comme ça que je commence. Et pendant plusieurs années, je vais travailler avec Édouard Zambeau, qui m'a beaucoup appris. Qu'est-ce qu'il vous apprend? En fait, il m'apprend à structurer ma pensée et ma façon de questionner le monde, en fait, parce qu'au départ, j'arrive avec une approche un peu militante, j'ai envie de dire des choses, de faire dire des choses, donc de tordre le réel pour qu'il serve ma vision du monde, et en fait, c'est compliqué de faire ça, on s'emmêle les pinceaux, on se crée des difficultés, quoi, quand on veut absolument obtenir. Et lui, voilà, il m'apprend à réfléchir, à structurer un sujet, à l'anglais, et peu à peu à mettre un peu à faire confiance à l'auditeur en disant bon, en fait, l'auditeur, il a pas besoin que tu lui dises quoi penser. Mais avec ce que tu lui apportes comme élément de réflexion, il va se faire sa propre idée. Voilà. Donc, il m'apprend ça, mais il m'apprend plein d'autres choses. J'ai envie de vous dire, anglais, un sujet, normalement, c'est en école de journalisme que vous apprenez oui, ça. Bah oui, oui, oui, mais pas sur des formats longs, en fait. Pas sur du documentaire ou du reportage long. Alors, il vous apprend beaucoup de choses. Vous travaillez donc dans les deux radios. Si je me trompe pas, vous avez fourni des documentaires à France Culture. Tout ça, comment ça se passe? Vous vous rapprochez de la direction de France Culture? Vous leur proposez des choses? Non, c'est plutôt avec les producteurs. Donc alors, je commence à travailler avec Marie-Hélène Freissé, donc sur Tout un monde où là, je travaille beaucoup sur chercher des invités et tout ça. Puis assez rapidement, elle m'envoie faire des reportages, donc au départ sur Paris, puis en France, puis dans le monde. Et donc là, c'est des formats longs, du documentaire pour une émission d'une heure, par exemple. Il m'arrive souvent de fournir, je pense, 40 minutes de son, et enfin qui vont être diffusés, donc des heures et des heures d'enregistrement, et que je vais travailler après avec Anne Despelch, hein, qui est une réalisatrice qui bossait avec Marie-Hélène à l'époque. Et en fait, Anne Despelch, elle m'apprend beaucoup de choses, quoi, parce que je la regarde monter, parce qu'à France Culture, avec les réalisateurs, on touche pas les instruments de montage, c'est eux qui s'emparent du son, et après on fait les choix de montage ensemble. Voilà. Ouais. Et au départ, je suis fascinée, quoi, j'en reviens pas de comment elle arrive à tisser les phrases, les mots, à renverser les choses. D'ailleurs, je comprends rien. Au début, ça va trop vite. Elle est experte, qu'on dirait qu'elle fait de la dentelle, quoi. Et en fait, je découvre une réelle écriture, quoi, du son, et qui me fascine. Et au bout de quelques mois, Je lui dis, enfin, je sais pas, on parle des pieds sur terre, quoi, donc une émission, l'émission de Sonia Kronlund sur France Culture en ce moment de 13h30 à 14h. Et moi, je suis fan de cette émission, quoi. Et Anne, elle me dit, ah, bah, tu sais, moi, avant de travailler à Tout un Monde, je travaillais pour Sonia sur les pieds sur terre. Je dis, ah ouais, oh là là, et tout. Elle me dit, mais attends, mais je vais te la présenter. Et donc, elle me présente à Sonia. Je suis hyper intimidée et Sonia me dit ok, bah propose-moi des sujets tout ça, donc je propose des sujets, ça marche pas, et il y en a un tout d'un coup ça marche, ça la, elle veut bien, je pars le faire, ça lui convient, et donc je commence au pied sur terre comme ça. C'était quoi le premier thème? Ouais, c'était il y a longtemps, ça devait être en 2009 je pense, et c'était sur à cette époque-là on commençait à parler de la colocation intergénérationnelle. Donc, c'était une grand-mère qui recevait pour la première fois chez elle un colocataire, un jeune homme de 20 ans. C'était à Lyon et c'était assez drôle en fait parce que ils étaient tous les deux pleins de bonne volonté, mais ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur les règles de la cohabitation. Et donc, j'avais fait exprès de les interviewer non pas ensemble, mais séparément. Pour après au montage confronter les deux visions de la colocation, quoi. Et les faire dialoguer. Voilà. Et ça donnait quelque chose d'assez drôle parce que on s'en rendait compte que le jeune homme prenait des imaginait qu'il allait avoir des libertés et que la dame âgée n'avait pas du tout cette même conception. Donc c'était assez rigolo en fait. Je reviens justement sur vos reportages et vos interviews. Est-ce que vous arrivez dès le départ à vous effacer, à mettre en valeur ? C'est une technique, en fait, l'interview, et surtout sur les sujets qu'on va aborder ensuite plus tard. Mais vous arrivez à vous effacer ? Comment vous vous positionnez dans l'interview ? Est-ce que pour vous, c'est une évidence, dès le début, de faire parler les gens, d'arriver à les faire parler ? Ben, en fait, c'est plus qu'une évidence, c'est que je sais pas faire autrement. Même au départ, Marie-Hélène, elle me dit, non, mais ça va pas du tout ta voix, là, tu sais pas la placer. En fait, je suis hyper timide, quoi. Donc, c'est très, très facile pour moi de pas parler. Je préfère même ne pas parler, en fait. Et donc, je vais vraiment être à l'écoute de l'autre. Et même dans mes questions, souvent, elles sont très mal formulées. C'est pas une phrase complète, ça va être deux, trois mots, ça va souvent être des onomatopées ou bien juste un sourire ou des signes du visage comme ça. Donc, c'est pas du tout un problème pour moi de m'effacer. Disons que je préfère, c'est beaucoup plus confortable, quoi. Alors, vous travaillez donc dans les pieds sur terre. Vous continuez à donc vous faites les deux émissions en même temps ou vous passez complètement à temps plein? Ah non, moi, j'ai toujours, enfin, en fait. J'ai l'impression que mes collègues font comme moi, hein, mais quand on bosse, quand on est pigiste, quand on est payé au cachet, c'est quand même mieux d'avoir plusieurs employeurs parce que sinon ça devient dangereux. Enfin, moi je me suis toujours sentie à l'aise en fait en ayant plusieurs producteurs comme ça. Ça me permet de varier les styles, de varier les formats et de pas me sentir dépendante d'une seule personne parce que les producteurs parfois faut se les farcir aussi. Hein. C'est des personnalités assez ouais. fortes, tout ça. Et donc, c'est bien de varier. Oui, complètement. À part France Culture, parce que pour tout vous dire, c'est Sylvain Gir, donc le directeur éditorial d'Arte Radio, qui m'a glissé votre nom. Donc là, vous me parliez de 2009 à France Culture. Évidemment, il y a eu d'autres radios et d'autres plateformes que France Culture pour lesquelles vous avez travaillé. Eh ben, j'ai jamais travaillé pour Sylvain Gir et je pense pas travailler avec lui parce que justement, je pense que c'est un producteur qui est très très compliqué à se farcir. Ouais. Je pense qu'il va écouter cette émission. Ouais. Mais il le sait, hein, j'ai déjà dit. Donc, vous continuez à travailler également pour RFI en parallèle ? Non, plus RFI depuis un an et demi. Parce que j'y trouvais plus trop ma place, en fait. Parce que c'est quand même des conditions de travail qui sont différentes de celles de France Culture en termes de... Rien que d'un point de vue administratif, on n'est plus payé au cachet depuis quelques années. Et pour moi, c'est très compliqué, en fait, de réussir à faire mes heures de cachetière si je suis pas payée au cachet. Mmh. Et deuxièmement, RFI, c'est quand même pas la même organisation du travail. Les réalisateurs n'interviennent qu'à la toute fin du processus. Et moi, j'aime beaucoup ce travail en cellule de montage, en binôme. Je trouve que ça enrichit beaucoup le sujet. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai préféré me replier sur France Culture, un repli stratégique. Ça va être le moment polymocore de votre deuxième pause musicale. Alors cette fois-ci, vous avez choisi quoi ? Donc cette fois-ci, c'est À ton étoile de Noir Désir. Noir Désir avec À ton étoile. Pauline Mocor, vous m'avez pas dit pourquoi vous avez choisi cette pause musicale. Vous êtes fan de Noir Désir ? J'ai beaucoup aimé, ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce morceau me renvoie beaucoup à ce moment où je suis allée au Chiapas pendant quelques semaines, parce qu'à un moment il dit à Marcos à la joie et voilà. C'était ouais, elle a compté pour moi. C'était votre bande son à l'époque aussi. Un peu. Pauline Maucor, vous avez écrit. Et fait paraître aux éditions des Belles Lettres en février dernier dans la collection Mémoire de guerre, La guerre et après. C'est un livre, là on ne vous entend pas, on va dire radiophoniquement parlant. D'où est venue cette idée et pourquoi un livre? C'est une grosse question. Ouais. En fait, donc c'est quelque chose, la question des soldats français qui font la guerre actuellement, c'est une question qui m'obsède un peu depuis une dizaine d'années, et notamment depuis 2008, il y a eu l'embuscade d'Usbin, donc une vallée en Afghanistan, où il y a eu une dizaine de morts de côté français, enfin parmi les soldats français, et puis beaucoup parmi les Afghans. Et en fait, à ce moment-là, les médias emploient pour la première fois le mot de guerre. Alors que la France est engagée en Afghanistan depuis le début des années 2000. Et encore, le mot de guerre, il n'est pas employé de manière systématique. On parle beaucoup d'OPEX, d'opérations extérieures, ou d'opérations de maintien de la paix. Et moi, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Le fait qu'on n'emploie pas le mot de guerre, ça me fait penser au moment de la guerre d'Algérie. Pareil, on parlait pas de guerre, on parlait d'événements. Donc, il y a quelque chose qui me dérange dans cet euphémisme-là. Et donc, j'ai envie de savoir, concrètement, c'est la guerre ou c'est pas la guerre? Est-ce qu'on fait la guerre? Est-ce que nos soldats, donc les soldats français, vont faire la guerre au nom des Français sur des territoires un peu éloignés? Donc, je rencontre des jeunes, un jeune qui rentre d'Afghanistan, qui a à peine 20 ans, qui s'est engagé dans l'armée il y a un an et demi, et qui vient de faire 6 mois en Afghanistan et qui, suite à ça, démissionne. Parce qu'il a pas supporté l'expérience, ce qui lui est arrivé là-bas. Il en revient avec plein de symptômes qui font penser au syndrome de stress post-traumatique, notamment des cauchemars, toutes les nuits, des insomnies, une maniaquerie de la propreté vraiment... voyante, des pulsions de violence, voilà. Il supporte plus l'odeur du barbecue. Enfin voilà, il a plein de signes comme ça, et il me dit il sait pas ce qu'il va faire de sa vie parce que il a aucune formation. C'est pour ça qu'il s'est engagé dans l'armée. Et là, il vient de démissionner, donc il est un peu perdu, quoi. Et donc je lui dis, mais est-ce que tu accepterais de me raconter ce qui s'est passé là-bas et qui t'a mis dans cet état-là? Donc il me dit oui. Et donc on se voit 2 fois et il commence à me raconter, mais il me parle surtout des symptômes du stress du syndrome de stress post-traumatique. Enfin, comment l'expérience qu'il a eue là-bas se traduit aujourd'hui pour lui. Et donc on doit se revoir pour que il me dise qu'est-ce qui là-bas l'a mis dans cet état-là. Et en fait, à ce moment-là, il me donne plus de nouvelles. Or, c'était quelqu'un de très droit, comme beaucoup de militaires, quand ils s'engagent, ils vont jusqu'au bout de l'engagement. Enfin, voilà. Donc, je relance, il ne me répond toujours pas. Et donc, au bout d'un moment, je dis, mais dis-moi, en fait, dis-moi que tu ne veux plus me voir, que tu ne veux plus me parler, il n'y a pas de problème, juste dis-le-moi que j'arrête de te harceler. Et même ça, il n'arrive pas à me le dire. Donc là, je me dis, ok, si le gars qui pourtant avait envie de me raconter ne réussit pas et que ça devient trop difficile pour lui de mettre des mots, c'est qu'il y a vraiment des choses importante à dire, quoi. Et c'est là où, moi, il y a une espèce d'obsession qui va se nouer sur ce silence, enfin, sur cette parole que j'aurais pas réussi à obtenir. Et donc, je vais commencer à chercher de plus en plus à traiter le sujet. Au départ, pour la radio, donc je vais faire des petits sujets pour Priorité Santé sur RFI, puis pour Les Pieds sur Terre, où je vais donner la parole à des soldats, des militaires qui me racontent ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Et un jour, pour Un Pied sur Terre, donc je fais deux témoignages, et il y en a un troisième qui doit me raconter des choses, donc je le vois, il me raconte des choses assez dures, assez trash, notamment des actes de violence qui pourraient être qualifiés d'actes de torture que lui a a fait ouais, sur des miliciens en Centrafrique. Donc il me donne beaucoup de détails, tout ça. Je prends des notes et puis à chaque fois que j'allume le micro, il me dit « Ah non, je peux pas entendre ma voix dire ça. Donc tout ce que je t'ai raconté, t'en fais ce que tu veux, mais pas à la radio. » Donc c'est là où je décide d'en faire un article pour Vice, le site internet. Donc je fais son portrait légèrement fictionnalisé pour pas qu'on le reconnaisse. Et là, il y a l'éditeur François Mali, enfin le directeur de collection Mémoire de guerre aux belles lettres. Son fils Antoine Mali voit passer l'article, lui dit « Tiens papa, ça peut-être t'intéresser ». Et donc François Mali me contacte et me dit « Ok, ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez faire la même chose ?» Mais pour un bouquin, c'est-à-dire plusieurs portraits comme ça. Et là, je dis « Ok ». Oui, parce que la matière, vous l'aviez déjà, quoi. Non, je ne l'avais pas. Après, toute la matière, j'ai dû aller la chercher. Mais ça faisait longtemps, en fait, que j'avais envie d'écrire. Et je me suis parce que je trouve que l'écriture, c'est encore autre chose, quoi. On prend encore plus de temps que sur France Culture, en fait. Et surtout, on peut donner la parole à des gens qui n'arriveraient pas à s'exprimer dans un format radiophonique. Et là, c'est ce qui se produit, en fait, avec beaucoup d'hommes que je rencontre pour ce livre. Il y en a beaucoup qui auraient pas, dont la façon de s'exprimer n'aurait pas pu être diffusable, dans le sens où pour chaque personne, en moyenne, je vais prendre une trentaine d'heures d'entretien où on va voilà, creuser dans les cauchemars, dans les souvenirs. Et ça, c'est quelque chose où je vais aller essayer de tirer des fils, et ça prend énormément de temps. Et donc, à la radio, ça va pas. Faut quand même qu'il y ait un rendu assez efficace, quoi. Vous me disiez tout à l'heure que généralement, vos interviews, vous intervenez très très peu, des onomatopées, etc. Là, est-ce que vous vous bousculez à leur poser plus de questions, à aller fouiller des choses? Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a vécu des traumatismes comme ceux de la guerre, il y a des moments où il faut intervenir, il faut trouver le bon moment. Oui, alors en fait, quand je disais que j'intervenais très peu, c'était pour dire qu'on m'entend peu à l'antenne, en fait. C'était plutôt ça. Après, dans le contact avec l'autre, je lui pose quand même des questions. Mais c'est juste que c'est pas un interview où moi je vais apparaître beaucoup à l'antenne. Et avec les militaires, là... C'est plus difficile? Vous vous bousculez? Non, je me bouscule pas du tout. En fait... J'essaye d'être le plus possible à l'écoute, non pas de ce qu'ils ont à me dire, parce que pour l'instant, au départ, ils me disent pas grand chose, en fait, mais plutôt à l'écoute de leurs besoins de cadre, de comment ils veulent que ça se passe. Et en fait, il y a plusieurs heures au départ de rencontres et d'entretiens qui se passent comme ça, où ils vont pas me raconter grand chose, mais où on va installer un climat de confiance qui va permettre à la parole d'émerger plus tard, en fait. Donc, je vais être hyper attentive à leurs conditions, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont préférer que les entretiens se passent chez eux, d'autres qui vont préférer que ça se passe au téléphone, d'autres qui vont préférer que ça se passe dans un café. Tous, ils préfèrent que ce soit pas enregistré. Donc, je vais scripter directement, en fait, sur l'ordinateur, tout ce qu'ils me racontent. Et puis... Avec cette confiance qui s'installe, eh ben certains vont me donner accès à des documents, des archives qui ramènent du terrain, des photos, des vidéos, leur carnet de bord, les lettres de leurs enfants, de leur épouse. Ils vont même me les confier. Là, j'en ai encore chez moi que je garde précieusement jusqu'à temps qu'ils me les réclament. Des cartes du terrain aussi. Voilà. Et en fait, voilà, je vais vraiment prendre le temps, je vais pas aller bousculer, c'est ça en fait. Je les ai pas bousculés, j'essaie vraiment de me rendre disponible. Voilà, et au niveau des heures de travail aussi, c'était pas forcément des heures en plein jour, quoi. Ça pouvait être en soirée, enfin voilà, je vais vraiment m'adapter à leurs besoins pour accompagner la parole, l'émergence de la parole. Vous êtes une thérapeute en fait, Pauline Mocor. Non, je pense pas, parce que c'est pas mon objectif, mais eux, oui, il y en a certains qui ont projeté sur moi ce rôle-là et qui me l'ont dit, qui disaient que j'étais leur psy et tout ça. Mais non, moi, je leur rappelais quand même assez régulièrement que mon but, c'était quand même d'obtenir une parole et que c'était important qu'ils confondent pas, quoi, et que s'ils avaient besoin d'une thérapeute, c'était peut-être bien d'aller voir quelqu'un après. D'ailleurs, ça a déclenché des... Le travail qu'ils ont fait avec moi, ouais, ça a des... pour certains, suite à ça, ils sont allés voir une psy, ils sont allés consulter, quoi. Ce livre a eu très très bonne presse et d'ailleurs vous avez eu donc pas mal d'apparitions médiatiques et puis bientôt on va vous voir dans un salon, c'est ça ? Oui, le salon du livre Avdu. Donc c'est un salon des femmes auteurs et c'est le 25 novembre prochain ? Oui, le samedi après-midi à Paris dans le 6e arrondissement. Je vous mettrai toutes les informations sur le site de Fréquence Protestante. Pauline Maucor, l'invitée précédente, c'était Anne Cazobon, et elle vous pose une question. Bonjour Pauline, je sais que vous avez recueilli des témoignages de soldats qui rentraient d'opérations extérieures, qui étaient parfois encore très habités par la guerre. Vous avez appelé votre livre, ce recueil de témoignages « La guerre et après ». Expérience personnelle, je sais qu'on ne travaille jamais sur des sujets par hasard. Alors pour vous, c'est quoi ce « après la guerre » Je réfléchis. Hein. pour moi, c'est quoi ce « après la guerre » Oh, je sais pas. C'est horrible. Enfin, je sais, mais je sais pas comment dire... Bonjour Anne. Pour moi, ce après la guerre, c'est ce que m'ont dit tous ces hommes. C'était cette difficulté de mettre des mots sur quelque chose qui a été trop violent et qui nous coupe des autres. Voilà. Et comme eux, ils avaient du mal à, enfin, ils avaient une impossibilité de parler de ce qui leur était arrivé à leur famille, à leurs amis, à leur entourage, qui restaient seuls avec ça. Moi, il m'a semblé que, mon rôle, enfin, là où je pouvais apporter quelque chose, c'était de recueillir cette parole pour la première fois et puis de, éventuellement, la faire entendre à d'autres, quoi. Est-ce que ça vous donne envie d'en faire un autre livre ou peut-être, en tout cas, un autre livre peut-être sur un autre sujet ? Est-ce que justement ce projet d'écriture, ça vous a happé dans ce monde des écrivains ? Ah oui, complètement. Alors après, ce sujet-là, pour moi, il est vraiment très très important. Donc je continue à travailler autour, hein, pour la radio, peut-être pour des fictions radio, peut-être. Mais l'écriture aussi, ouais, j'ai très très envie d'aller vers ça, ouais. Alors précisément, je ne sais pas encore bien, je suis en train de chercher, mais ouais, si. Allez, le dernier questionnaire rapide, c'est le questionnaire de Pauline Maucor. Pauline Maucor, une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle. Sonia Kronlund. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? France Inter. Ouais. Quelle radio vous réveille le matin ? France Culture. Quelle radio vous endort le soir ? France Culture. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? La voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Au yoga. Au cours de yoga. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir ? Le meilleur. Un des plus intenses, c'est quand j'avais fait un direct avec Judy Bérécy. C'était pour Sur les Docks à l'époque et c'était à Reims. Pendant une heure, on avait fait une émission plutôt documentaire, enfin avec des extraits de documentaires diffusés et des invités en plateau. Et j'avais beaucoup aimé, en fait, c'était en public. Donc il y avait, et puis il y avait les secondes qui passaient comme ça sur la petite horloge. Et je m'étais sentie hyper vivante à chaque seconde. Puis Julie me parler dans le micro d'ordre. Donc, ouais, j'ai un bon souvenir de ça. Et le pire souvenir ? Le pire souvenir ? S'il y en a un. Je pense que ça doit être des moments de montage avec des réalisateurs avec qui on n'est pas d'accord et qu'en plus, je ne les sens pas concernés par le sujet. Ça, c'est dur, on a l'impression de ramer. Et pour terminer, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio ? Écouter, d'écouter beaucoup ce qui se fait. Ça nourrit, puis ça donne plein d'idées. Merci beaucoup Pauline Maucor. On peut toujours vous retrouver dans votre livre La guerre et après, paru aux éditions des Belles Lettres dans la collection Mémoires de guerre. Et puis pour tous les auditeurs qui veulent aller vous voir et faire dédicacer donc ce livre, ce sera le 25 novembre prochain dans le 6e arrondissement de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Dernière émission de La Mécanique des Ondes, je ne vais pas, on va dire, m'apitoyer sur mon sort, puisque on se retrouvera peut-être sur des ondes ailleurs, on ne sait jamais. En tout cas, cette émission, elle va continuer avec d'autres animateurs ou animatrices, qu'est-ce qu'on en sait. Merci beaucoup à Arnaud pour le générique et puis pour tout, tu le sais. Et puis tous les autres techniciens de fréquence protestante. Allez, je vous laisse avant que l'émotion me gagne.